Bonjour, amis vierges, je suis heureuse de vous retrouver pour ce tirage de l'oracle de Béline qui concerne le mois de septembre 2023. Donc, bon anniversaire à la plupart d'entre vous. Je m'adressais également aux ascendants vierges. Alors, on a décidé de faire un tirage général pour cette rentrée qui est souvent un nouveau cycle. Donc, quel est le domaine On va voir de quel domaine je vous parler l'oracle de Béline. Alors, on va regarder pour septembre 2023. Vierge. Allez, on y va. La coupe. Alors, une bonne nouvelle. Bon, déjà, ça commence bien. Pour votre anniversaire, on va vous annoncer une bonne nouvelle. Donc, ça, c'est déjà génial. Mais dans quel domaine et de quoi s'agit-il exactement? Alors, Vierge, je fais le tirage général. Bah écoutez, il y a une excellente nouvelle qui vous arrive apparemment, mais j'attends hein, avant de m'exclamer, parce que vous voyez, voilà, ah ouais, d'accord, malgré, ouh, il va y avoir des jaloux. C'est un peu complexe comme tirage. Ça ressemble presque à un tirage individuel et c'est très compliqué d'expliquer cela à un groupe de personnes. Évidemment, il y en a à qui ça va parler complètement et d'autres, ce sera peut-être plus flou. En tout cas, ici, on indique que vous avez de belles possibilités de vous épanouir au mois de septembre dans de nombreux domaines. Mais par contre, méfiez-vous parce qu'il y a des ennemis. Concernant le travail, plutôt au travail, dans vos entreprises, vous risquez d'être déçu par une personne qui va... alors, il y a une trahison peut-être à la clé. C'est en tout cas quelqu'un qui parle... C'est plutôt de l'hypocrisie. C'est quelqu'un qui parle mal dans votre dos et vous allez le découvrir. Alors, du coup, vous allez le découvrir parce que au sein de l'entreprise, vous allez... peut-être qu'un avantage, une promotion ou un avantage va vous être refusé ou va être volé par quelqu'un d'autre. Donc c'est une façon de parler bien sûr, ce sont des symboles. Et le conseil c'est de toute façon de ne pas perdre trop de temps avec cela parce que vous allez commencer fin septembre, plutôt octobre, un nouveau cycle professionnel. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Donc, peu importe si ce que vous espériez à la rentrée ne se produit pas parce qu'il y a une espèce de panier de crabes là, il n'y a pas une bonne ambiance au travail ou en tout cas chacun veut sa part. Et dans ce cas-là, il y a de l'individualisme qui joue. Ne vous arrêtez pas trop là-dessus, passez très vite à autre chose parce que de toute façon, un nouveau cycle professionnel vous attend et il sera favorable. Voilà. J'espère que vous avez compris ce tirage. Il est encore une fois un peu compliqué, mais je suis certaine qu'il va parler à pas mal de vierges ou d'ascendants vierges. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de chance pour cette rentrée 2023.